Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie R. Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie R. Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. C'était le début du congé d'après les fêtes de la Ligue du Lac au Fleuve. On en parlait avec Mathieu Caron. Salut Mathieu. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Deux matchs étaient au programme dans la Ligue du Lac au Fleuve. Il y a eu un match ici qui a eu lieu. Charlevoix contre le Métis Consolant. C'était une victoire de Charlevoix. Une victoire de 9-5. C'est quand même assez surprenant, pareil. On sait que c'est deux équipes qui ont une rivalité au fil des. J'en parlais avec Billy Ménard hier, justement. Puis il y a une petite rivalité entre les deux formations. Oui, effectivement. Bon, c'est vraiment une rivalité entre les deux équipes. On ils nous offrent beaucoup du bon hockey. C'était quand même un très beau match là, à Dolbeau. J'y étais présent, puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai pu voir. Malheureusement, mes concessionnaires n'ont pas pu être à la hauteur. Charlevoix là avait quand même malgré qu'il y avait trois joueurs qui n'étaient pas là, dont Hugo Lapointe, Cyril Dufour et Alexandre Mailloux, ben, ils ont quand même réussi à marquer plusieurs points. Benjamin Hervé réussi à récolter 5 buts, une passe. Puis je pense qu'Alex Penney là avec un but, 3 passes, c'est quand même très bien, une très bonne performance de l'équipe de Charlevoix. OK. Et dans l'autre match, ça a eu lieu une victoire du MJR Express de l'Abbé ou de Saguenay 7-6 contre la formation de la Côte-Nord. Oui, effectivement, c'était également un bon match. Au Côte-Nord, là, on a quand même bien performé lors de ce match-là. Je pense qu'il leur manquait quelques secondes là, pour réussir à au moins égaliser la marque là, en fin de la troisième période. Mais ils ont quand même c'est une très bonne performance de l'équipe. Du côté de Saguenay aussi, Saguenay a quand même eu une bonne fiche. Là. Je pense que Charles Duchesne, avec 3 buts, une passe durant le match, là, c'est une très bonne performance de leur côté. OK. Là, maintenant, avant de parler des honneurs... on va parler des honneurs individuels aussi. Donc, vous avez fait connaître vos honneurs individuels au cours de la dernière semaine. Donc, je suis Cédric de Montitagon. C'est Benjamin Hervé, je pense, qui a eu la première étoile, c'est ça? Ben, effectivement, je pense que j'ai parlé des trois joueurs là précédemment. Donc, Benjamin Hervé qui a eu la première étoile avec une fiche de 5 buts, une passe. La deuxième étoile, Charles Duchesne de Saguenay avec 3 buts, une passe. Et la troisième étoile est venue à Alex Penney avec un but, 3 passes en fin de semaine passée. OK. Maintenant, on va y aller avec... Il y a un sondage que vous avez fait. Je l'ai rempli dès que j'ai vu ça. C'est la semaine passée que vous avez mis ça en ligne à peu près. Pour faire connaître un peu ce que les amateurs pensent de ce sondage-là. C'était fait sur le Facebook. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a rempli jusqu'à maintenant? Écoute, on est rendu, on est pas loin de 230 répondants là, au sondage pour l'instant. Je suis quand même bien heureux de la participation un peu. J'avais pris la décision au cours de la pause des fêtes. De regarder un peu, de sonder un peu à travers la ligue, les partisans, comment ils voient la ligue, qu'est-ce qu'ils voudraient que la ligue fasse pour s'améliorer. On y voit avec des questions. Bon, on avait l'horaire qui est assez, il y a beaucoup d'opinions là, à niveau de l'horaire cette année. On a appris un peu là, de cette horaire-là. On va probablement faire d'autres façons l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a dit? On aimerait bien avoir des matchs en après-midi. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que les amateurs disent là-dessus? Là-dessus, je peux pas donner encore les réponses parce que j'ai pas toutes les réponses. Je veux vraiment attendre que, mec, quand je termine le sondage, que je vais pouvoir vraiment extraire toutes les réponses puis les apporter au bureau du gouverneur. Mais c'est que c'est juste l'horaire, c'est la façon que l'horaire avait été faite. Je suis du côté de Charlevoix, là, ça a été un peu plus compliqué. L'horaire pour eux autres, c'était compliqué un peu. C'est pour ça que c'était un sondage que je faisais à ce niveau-là. Mais il y a également aussi sur le jeu, qu'est-ce que les partisans préfèrent? Préfèrent-ils avoir vraiment juste du hockey? Préfèrent-ils avoir un peu de bagarre? Ou préfèrent avoir la bagarre et du jeu aussi en même temps. Donc, c'est vraiment pour nous aider lors de la prochaine rencontre des bureaux de gouvernement. Comment qu'on pourrait faire pour que la Ligue soit encore meilleure puis qu'on puisse vraiment travailler pour les prochaines années. À mon avis, il manque une question la plus importante, Mathieu, c'est l'expansion. J'aurais aimé ça qu'il y ait un volet là-dessus, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Je pense, à mon idée, là, j'ai pas le monopole, là, mais à mon idée, ça prend une à deux équipes dans les prochaines années, au moins nouvelles. Là. Quelque chose de nouveau, au moins. Comme que je dis, je peux pas trop parler d'expansion pour l'instant. Ouais, mais j'aurais aimé ça. Présentement, on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la Ligue, pour faire en sorte que la Ligue soit grossisse. On aurait plusieurs opportunités aussi, mais j'ai toujours dit que l'important pour moi, c'est que je vais avoir de base 4 équipes en santé pour par la suite on va aller chercher peut-être d'autres organisations. Mais faut dire aussi que c'est pas tout à fait évident à savoir où on va aller chercher ces marchés-là. Ouais. On parle toujours de Québec, on parle peut-être au lac, un autre club au lac, il y a plusieurs options qui pourraient être mises à la table, mais il faut vraiment essayer de trouver la meilleure puis qu'on soit vraiment attirant pour les autres clubs, pour avoir un autre club finalement à l'extérieur. C'est un dossier que je peux dire qui est quand même encore actif, mais comme je dis, je peux rien avancer à ce sujet-là pour le moment. Mais on va voir pas dans les prochaines semaines là, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. OK. Dis-moi, le sondage va se terminer quand? J'ai pas de date, date finale. Mais le prochain des bureaux du gouvernement va avoir lieu dans 2 semaines. Fait que ça va probablement être la semaine prochaine, là, ou quoi la semaine prochaine qu'il va probablement se terminer. Et je vais pouvoir prendre les résultats et les apporter au gouverneur. C'est vraiment là, leur dire un peu comment que les partisans et ceux qui suivent notre ligue voient notre ligue et qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi notre plan pour l'améliorer dans les prochaines semaines, prochains mois et pour les prochaines années. 2 matchs au programme en fin de semaine encore une fois, le multiconcinant qui reçoit la visite du MGA de Jonquière ou de Saguenay, ça va avoir lieu samedi soir. Puis l'autre match, évidemment, c'est Charlevoix contre la Côte-Nord. Le match a lieu où dans l'autre? C'est Charlevoix qui reçoit le Côte-Nord vendredi soir. Vendredi soir. C'est samedi là, à Dolbeau, là, c'est Jonquière. Je pense que Jonquière et Dolbeau ont encore un excellent match de ce côté-là. Je pense qu'il y a aussi du côté de Charlevoix, là, avec Haute Côte-Nord, qu'est-ce qu'ils ont pu sortir la dernière semaine. Je pense que ça va être. Ils vont avoir un bon match quand même là-bas, là, samedi soir. OK. On s'en reparle jeudi prochain. Il y a une annonce aussi que je peux te dire que j'ai pas encore publié, mais il y avait eu un prêt à part de Dolbeau. Oui, le prêt avant les fêtes. Haute-Côte-Nord de Jean-Sébastien Boudreau, qui a été prêté à Haute-Côte-Nord, et aujourd'hui, là, Haute-Côte-Nord ont redonné Jean-Sébastien Boudreau à Dolbeau. Okay. Donc, je sais pas c'est quoi les prétentions de Jean-Sébastien et du nouveau professionnel pour lui pour les prochaines semaines. Mais c'est la transaction qu'il y a eu aujourd'hui. Là, OK. On s'en parle jeudi prochain. Voici, y a pas de problème. Voilà le commentaire de Mathieu Garon, président de la Ligue du Lac-Aux.